La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Dans les années 50, la théorie de l'attachement proposée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby a permis d'apporter un éclairage fondamental sur les liens relationnels que nous entretenons et sur la gestion de nos émotions lorsque nous nous trouvons en situation de peur ou de fragilité. Ce sont toutes nos relations avec nos parents, nos amis ou nos collègues qui sont conditionnées par l'influence de l'attachement dans la construction de notre personnalité. Comment l'attachement se met en place? Comment fonctionne-t-il tout au long de la vie? Bien, c'est ce que nous allons explorer dans un instant avec mes invités qui vont répondre à vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est l'avenir de la recherche autour des océans qui est à la une de la science aujourd'hui. Oui, puisque les plus grands experts européens de l'océan sont réunis en ce moment même à Paris. On navigue vers le futur de la recherche avec notre invité dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. Voilà, la théorie de l'attachement aujourd'hui au cœur de notre émission avec mes invités que je salue, la psychiatre Christine Genet et la pédopsychiatre Estelle Vallon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Vous publiez ensemble Psychothérapie de l'attachement, c'est aux éditions Duno. Alors un livre qui est plutôt destiné aux soignants et aux paramédicaux, comme vous le précisez vous-même. Mais le sujet, évidemment, qui est au cœur de cet ouvrage, nous concerne tous et à tous les stades de notre vie. Vous travaillez donc toutes les deux dans le centre de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Plaisir, c'est dans les Yvelines. Et vous animez une consultation parents et enfants qui place donc la théorie de l'attachement au cœur du dispositif. Alors, quelle est l'originalité exactement? Est-ce que c'est le fait d'avoir une consultation enfants et parents ou c'est de mettre justement cette théorie au cœur de votre travail, Christine Genet? Mais écoutez, c'est plutôt une histoire de cette consultation est née d'une préoccupation qu'on avait à une époque où on consultait chacune dans deux centres différents. Moi, je suis psychiatre adulte à l'origine, oui. Et Estelle est pédopsychiatre, donc psychiatre pour enfants. Et nous nous adressions réciproquement, moi des enfants de parents qui étaient en difficulté et Estelle des parents d'enfants en difficulté, et mais qui étaient eux-mêmes aussi en souffrance. Et dans les 10 mètres qui nous séparer, ah oui, qui séparer nos bureaux. Il y avait peu quand même. Hein, on avait une déperdition qui était trop importante et on s'est dit c'est pas possible. Les médecins, vous savez, nous on aime bien être efficaces. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de d'inventer cet espace parents-enfants. On s'est dit que voilà, ce qui intéresse les parents, la grosse motivation des parents quand ils ont des difficultés avec leur enfant, c'était un moteur qui a permis de créer cet espace. Et comme il nous fallait une théorie scientifique et robuste pour appuyer et finalement affiner cette consultation, on a choisi la théorie de l'attachement, c'est spécialisé et on a créé ainsi ce dispositif original. Ouais, original en France, Estelle Vallon, hein. C'est vrai qu'on a tout peu l'habitude de voir une telle application avec une théorie comme ça au sein d'une consultation. Alors ça se fait dans d'autres pays, mais rarement chez nous. Hein. Voilà, c'est une théorie qui est assez peu connue, qui se développe de plus en plus en France, mais qui est effectivement, pour l'instant, il y a assez peu de lieux spécifiquement attachementistes en France. On est en tout cas de plus en plus nombreux à se former et à appliquer la théorie de l'attachement, mais assez peu dans ce type de dispositif. Christine Genet, donc on va revenir d'abord sur l'histoire de cette théorie parce qu'elle est très intéressante, et puis on va voir aussi qu'elle a beaucoup évolué au fil du temps, hein, même si les racines sont exactement les mêmes aujourd'hui, avec le début des années 50, hein, c'est ça pour Bowlby, oui. Je le disais tout à oui, l'heure. Oui. Et puis cette théorie, on sent quand même qu'elle commence à être mieux connue. Hein. Quand on en parle autour de nous, les gens ils sont très sensibles. Pour quelle raison à votre avis? Je pense que les temps changent, la parentalité évolue. La façon qu'on a d'éduquer les enfants, elle ne cesse de changer, elle a toujours évolué depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On n'élève vraiment plus nos enfants comme nos arrière-arrière-grands-parents nous élevaient. Déjà même nos propres parents, moi-même qui suis déjà d'une certaine génération, mes parents m'ont pas élevé comme j'ai élevé mes enfants et comme je pense que mes enfants pourront élever les leurs. Donc cette théorie, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que elle explore spécifiquement le lien entre un enfant et ses parents dans ses besoins de protection et de proximité en cas d'alarme. Et effectivement, on sent bien intuitivement que déjà avec un bébé, c'est quand même quelque chose qu'on va faire beaucoup. Et puis après, au fil de la vie, on va le faire différemment. C'est ça. Et nos relations en découlent d'ailleurs. C'est ce qu'on verra avec les bases de cette théorie. Allez, on en parle dans un instant. Puis bien sûr, je vous transmettrai les messages et les questions des auditeurs qui vont nous rejoindre sur franceinter.fr. Axel Villard, que nous reste-t-il à apprendre sur les océans? C'est le sujet à la une de la science aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre internationale en ce moment à Paris. Oui, en ce moment se tient au siège de l'UNESCO le European Marine Board, une rencontre qui réunit les plus grands experts de l'océan pour faire le bilan des recherches à mener dans les 10 prochaines années. L'occasion de se projeter dans le futur, même si en ces temps de crise climatique et environnementale c'est difficile. On va faire cet exercice avec vous, Wilfried Sanchez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique adjoint à l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors, question peut-être un peu provocatrice pour commencer, est-ce que dans 10 ans, il restera des choses à exploiter dans les océans ? Il restera des choses à exploiter dans les océans, mais aussi des choses à découvrir dans les océans. Alors, quand on nous dit que les stocks de poissons devraient baisser de 90% en 2050 et qu'on voit que les ressources baissent aussi, on pense toujours avec ce mot « exploiter » derrière la tête quand on refait des recherches sur l'océan ? C'est une des finalités. On essaye de préserver des stocks pour pouvoir alimenter la planète. On essaye de rechercher de nouvelles énergies, de nouvelles molécules. Donc, il y a effectivement une finalité à bon nombre de recherches qui sont menées sur les océans. Alors, ce rendez-vous qui se tient en ce moment à Paris, il s'appuie sur un rapport qui s'appelle Navigate the Future. Ce sera le cinquième. Quel est le but de ce document que vous présentez là pendant 2 jours ? Alors, ce document est préparé par une association, le European Marine Board, qui rassemble tous les organismes de recherche océanographique européens. Et c'est l'occasion de faire un point sur les besoins de recherche en océanographie en Europe. Alors parmi les 4 grands enjeux de la recherche qui sont représentés dans ce document, en premier lieu arrive dans le rapport la prise en compte d'un océan en 4 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire en 4 dimensions ? Alors, il y a le rapport prévoit effectivement 4 grands axes de travail, avec un axe très orienté sur les données, ce que l'on appelle à l'IFREMER l'océan numérique. C'est à la fois l'observation, la collecte des données sur les océans, mais aussi leur modélisation et leurs intégrations pour aller vers un océan virtuel, un océan numérisé, dans lequel on pourrait se balader comme dans un jeu vidéo. C'est l'un des constats, enfin des objectifs phares de ce rapport qui a été produit par le MB. Il y a bien évidemment d'autres enjeux, notamment des enjeux autour de l'océan sain. Préserver les ressources, limiter l'impact des pollutions, des enjeux autour du climat et comprendre l'impact de l'océan sur la machinerie climatique, et puis des enjeux autour de la gouvernance des océans, puisque l'océan, aussi immense soit-il, n'est pas un immense espace de liberté. Mais c'est un travail de fou, ça, de modéliser l'océan tel que vous le décrivez, parce que ça veut dire qu'il y a toutes les complexités, toutes les interactions que vous allez prendre en compte ? Oui, il y a beaucoup de travail. On s'appuie sur un socle de connaissances qui existe déjà. On a beaucoup de données et beaucoup de connaissances sur l'observation physique. La communauté française est particulièrement solide dans ce domaine-là. Et donc l'objectif maintenant, c'est grâce à notamment l'intelligence artificielle, arriver à intégrer toutes ces données que l'on a pu collecter d'autres données pour améliorer cette modélisation. Et puis un autre enjeu, ça va être de passer de l'observation physique à l'observation biologique. Là, on a encore beaucoup de travail à faire pour à la fois développer les outils qui nous permettront de réaliser cette observation à grande échelle, puisqu'on s'adresse bien évidemment à l'océan, et puis en permettre l'intégration grâce à des outils informatiques pour modéliser l'océan dans son ensemble. Mais on travaille par petites briques. Est-ce que la partie pollution et effet du réchauffement font partie de ce qu'on cherche à modéliser quand on travaille sur l'océan dans 10 ans ? Pleinement. C'est effectivement un enjeu fort que de comprendre comment l'océan va être impacté par le changement global, changement climatique en tête, mais également tous les apports anthropiques que peuvent être les polluants chimiques, biologiques, mais également physiques. Alors, dans ce qui se passe en réel dans l'océan en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux de recherche aussi autour de la surpêche, de l'acidification, du plastique. Par exemple, pour le plastique, comment la recherche prévoit d'accompagner la lutte? Quels sont les inconnus dans le problème plastique en ce moment? Alors, le plastique est un sujet extrêmement médiatique. On en parle beaucoup. Tout le monde a en tête ces images de la tortue qui a avalé le sac plastique en le prenant pour une méduse. Personne n'a envie de voir ça. Donc, c'est un véritable enjeu. C'est une pollution qui est bien caractérisée parce que le plastique, surtout le macroplastique, est très visible. Et donc, on arrive à le tracer de la Terre jusqu'aux océans. Et c'est important puisque c'est une pollution qui est majoritairement terrestre. On sait, par exemple, que 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de la Terre. Donc, on est sur une problématique qui est hautement continentale. Pour autant, la recherche océanographique a des choses à dire sur ce sujet-là. D'abord, pour comprendre comment le plastique va circuler dans les océans. Donc, coupler un petit peu la modélisation océanique, la connaissance des courants avec les flux de plastique. On va également essayer de comprendre comment vont se comporter les plastiques en mer. Comment ils vont se dégrader pour faire des particules de plus en plus petites qui vont pouvoir être ingérées par des organismes de plus en plus petits. Et bien évidemment, connaître l'impact de ces plastiques sur la biodiversité. Oui, le volet toxicologique aujourd'hui, c'est peut-être celui qui est le moins exploré. Le plastique, on le retrouve dans beaucoup d'animaux, vous l'avez dit, mais l'effet sur la physiologie animale, on le connaît pas. Il existe quand même un ensemble d'études assez robustes sur les effets des plastiques, que ce soit les effets physiques, bien évidemment, la tortue ou le cétacé qui s'étouffe, ça c'est très bien caractérisé, et puis des effets plus fins, plus moléculaires, comme par exemple des effets de perturbation endocrinienne qui commencent à être caractérisés, mais il y a encore effectivement beaucoup de travail si on voulait parfaire cette connaissance. Alors le troisième grand axe de recherche, c'est bien sûr l'effet du réchauffement climatique, et en particulier, là c'est fort dans le rapport, c'est les phénomènes extrêmes liés à l'océan. On a besoin de connaître l'océan pour pouvoir prédire le climat. Oui, il existe une interface qui est essentielle dans la prévision du climat, c'est l'interface entre l'océan et l'atmosphère et tous les échanges qu'il va pouvoir y avoir, les échanges de chaleur, les échanges de gaz, notamment du CO2 qui vont générer l'acidification, vous citiez ce mot tout à l'heure, et il est extrêmement important de connaître le fonctionnement de la machinerie océanique pour comprendre et prédire celui de la machinerie climatique. Alors depuis tout à l'heure, on cite ces grands enjeux qui sont européens. Quelles sont les spécificités de la recherche française dans les 10 prochaines années? Quels sont les axes qu'on va suivre plutôt? Le constat que faisait notre PDG François Houillet lors de l'ouverture, c'est que finalement, il y a une bonne adéquation entre ce qui est proposé par le Marine Board à l'échelle européenne et ce que propose l'IFREMER en tant qu'institut national à l'échelle française dans son document d'orientation qui a été publié l'année dernière. On est très fort sur les données, la modélisation, voilà, tout l'océan numérique, c'est un enjeu fort pour l'IFREMER et pour la communauté française. L'exposome océanique, donc comprendre les pollutions et leurs effets, c'est aussi un sujet fort, et c'est deux axes qui vont vraiment irriguer la recherche océanographique française dans les années à venir. Merci beaucoup Wilfried Sanchez, à l'occasion donc de cette rencontre entre les experts de l'océan actuellement et jusqu'à ce soir à l'UNESCO. Merci Axel, à demain. À demain. Merci à vous. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un astéroïde immense qui a frappé l'Écosse il y a 1 milliard d'années. Ça fait 10 ans que les géologues du pays cherchent le cratère d'impact en suivant la trace des débris dans les différentes couches géologiques. Eh bien, cette fois-ci, ils pensent l'avoir trouvé sous l'eau à 20 km des côtes écossaises dans le bassin de Minch. Des mesures géophysiques devraient être menées dans le mois pour confirmer la découverte. Des astéroïdes géocroiseurs de plus d'un kilomètre de large comme celui-ci frappent la Terre environ tous les 500 000 ans. Une tête de loup impressionnante sortie du permafrost russe, langue pendante, fourrure touffue et crocs brillants. Elle est datée à moins 40 000 ans. Elle appartenait à un loup adulte. Cette tête, découverte il y a un an par un particulier dans la région de Saka, a été rapidement confiée aux scientifiques de l'Académie des sciences qui l'ont pris en charge. Des analyses ADN vont être menées pour en apprendre plus sur ce géant dont la tête seulement mesure plus de 40 cm. Des photos de ce loup sont disponibles sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour terminer, un cépage centenaire encore cultivé aujourd'hui, les chercheurs se doutaient que certaines vignes avaient peu évolué au fil des âges. Eh bien, une équipe anglaise en apporte la preuve. Elle démontre que des pépins de raisin vieux de 900 ans retrouvés près d'Orléans sont génétiquement identiques à ceux cultivés pour faire du pinot noir aujourd'hui. Vos petits canons ont donc un véritable goût d'histoire. Et on parle de la théorie de l'attachement dans un instant. Ce qu'il faut dire de fadaise pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons juan. Mais chaque fois que l'on renifle la piste fraîche du jupon, pour un baiser, pour une gifle, sans hésiter nous repartons. La main frôleuse et l'œil luisant, nous les dons juju, nous les dons juan. Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en deux portions 55 kilos de chair rose de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jour d'enfant pour un don juju, pour un don juan. Le mannequin, la manucure, la dactylo, l'hôtesse de l'air, tout est bon pour notre pâture. Que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert, faut qu'on y croque avec le temps. Nous les dons juju, nous les dons juan. Mais il arrive que le cœur s'accroche aux épines d'une jolie fleur, ou qu'elle nous mette dans sa poche sous son mouchoir trempé de pleurs. C'est le danger le plus fréquent pour un don juju, pour un don juan. Nous les coureurs du tour de taille, nous les gros croqueurs de souris, il faut alors livrer bataille ou bien marcher vers la mairie au bras d'une belle maman. Pauvre don juju, pauvre don juan. Nous tamiserons les lumières, même quand la mort viendra sonner, et nous dirons notre prière sur un chapelet de grains de beauté, en attendant le jugement. Nous les dons juju, nous les donnerons juan. Et les donjons, Claude Nougaro. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Voilà, l'attachement, ce lien vital, comment se construisent nos relations aux autres, c'est d'ailleurs le titre du magazine Sciences Humaines, qui nous a aidé d'ailleurs à préparer également ce dossier avec l'ouvrage de mes invités pour cette théorie de l'attachement au cœur de la tête au carré. Christine Genet, vous êtes donc avec nous, psychiatre au centre hospitalier de Plaisir, c'est dans les Yvelines, et Estelle Vallon, pédopsychiatre dans ce même centre hospitalier. Donc ce livre que vous publiez ensemble, Psychothérapie de l'attachement, aux éditions Duno, avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà sur France Inter et sur le mot-clé l'attaque. Merci beaucoup Lucie Sarfati qui m'apporte ces messages en direct. Ils sont déjà nombreux pour vous. Un petit mot d'abord sur l'ouvrage Psychothérapie de l'attachement, parce que vous le précisez vous-même, c'est pas destiné forcément au grand public, plutôt aux soignants, a priori, Christine Genet ? Oui, tout à fait. C'est le résultat d'un travail de thérapeute qu'on a eu envie de partager en en redéfinissant très rapidement la théorie de l'attachement, ses applications, les, ouais. les différentes déclinaisons thérapeutiques, pour finir sur le dispositif qu'on a mis au point au centre hospitalier de plaisir. Ouais, Estelle Vallon, on a une autre version, alors peut-être beaucoup plus accessible, qui est sortie au Pommier en 2015. Oui, tout à fait, ça sert à quoi des parents. Donc on a publié en 2015. C'est très bien comme titre. Et donc effectivement, pour le coup, là, est un ouvrage de vulgarisation adressé aux parents et à tous ceux qui souhaitent qui s'intéressent à la parentalité. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs ce titre ? Ça sert à quoi des parents dans le cadre de cette théorie de l'attachement ? Ah, c'est une grande question, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Ouais. Mais dites-nous quand même un petit peu ce qu'on peut en dire déjà. Alors, l'attachement en fait c'est un... Donc peut-être revenir un peu sur des choses historiques pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Donc Bowlby en fait a décrit l'attachement comme un système motivationnel qui a une base biologique et qui vise en fait à la protection de l'enfant, donc par la proximité et le réconfort. Donc le parent en fait est un donneur de soins inconditionnel et là donc pour répondre aux besoins, notamment les besoins émotionnels de l'enfant. Oui. Et donc au fur et à mesure des expériences vécues donc dans le réel, ça c'est vraiment tout ça s'inscrit dans des expériences répétées et vécues au quotidien, l'enfant met en place des stratégies qui sont adaptatives et qui lui permettent de mieux réguler ses relations avec les autres et ses émotions. Alors Christine Genet, justement celle dont on vient de le dire, il y a des bases biologiques à cette théorie de l'attachement, mais comment Bowlby, lui psychiatre et psychanalyste, a pu découvrir justement ces bases biologiques? Parce qu'en fait, la théorie de l'attachement, elle part de toujours. C'est toujours comme ça quand on découvre, enfin, dans la science, hein, l'observation et l'intégration d'informations qui existaient déjà avant. On a, on a commencé au 19e siècle à s'intéresser quand même au fonctionnement psychique, aux relations interpersonnelles. Et Bowlby, dans les années 50, ben, il a été confronté à des enfants, comme beaucoup de pédopsychiatres d'ailleurs à l'époque, qui ont été séparés de leurs parents à cause de la guerre. C'est ça, c'est vraiment ce contexte. Hein, voilà, aussi, la donc c'était un contexte très particulier. Qui a permis l'émergence de la théorie. Ouais. Et on s'est rendu compte que ces enfants séparés de leurs parents, et pourtant dont on s'occupait bien, ils étaient nourris, ils étaient changés, etc., mais qui changeaient sans arrêt de nurse, eh bien ces enfants n'allaient pas bien. Voilà. Et il s'est donc intéressé à l'effet de la séparation. Alors, à l'époque, c'était des mamans. Maintenant, la parentalité fait qu'on s'intéresse aux papas et aux mamans de façon plus égalitaire. Mais à l'époque, voilà, elle a commencé à s'intéresser aux effets de cette séparation. Et il a travaillé avec les époux Robertson, qui étaient des travailleurs sociaux, qui ont filmé des enfants séparés de leurs parents. Et ils ont, sur un plan éthologique et comportementale, mis en évidence des séquences comportementales qui étaient toujours les mêmes quand les enfants étaient séparés, les petits-enfants étaient séparés de leurs parents. Ouais. Donc une séquence de protestation, une séquence de désespoir et une séquence de détachement. Alors, vous parlez d'éthologie parce que la théorie, elle est aussi basée sur l'observation animale. Hein, oui, tout à fait. Pas seulement humaine. Hein. Tout à fait. Bowlby, il a eu cette capacité, comme les gens qui sont capables d'inventer, c'est de s'imprégner des différents courants de l'époque. Donc, la théorie de l'attachement, c'est d'emblée une théorie du lien, donc c'est une théorie interpersonnelle, et c'est une théorie donc d'observation. Et il avait lu les travaux des éthologues qui avaient mis en évidence déjà ce lien, ce réflexe de cramponnement du bébé singe et l'expérimentation des petits singes qui avaient un leurre maman fil de fer à qui les nourrissait, enfin vers lesquels ils pouvaient se diriger pour se nourrir, et un leurre maman doudou quand il y avait un bruit ou quelque chose qui les alarmés, c'est maman doudou qui les réconfortait, alors que maman fil de fer les nourrissait. Donc il a pu séparer ces deux besoins d'être nourri et d'être protégé, réconforté en cas d'alarme. Estelle Vallon, ses travaux sur l'animal ont été essentiels et le sont toujours d'ailleurs. On observe toujours les singes par exemple autour de cette théorie. Alors les recherches qui sont actuellement menées autour de l'attachement sont plus axées autour des relations humaines. Il y a de très nombreux travaux de recherche qui sont faits actuellement. Voilà, au niveau... Mais au niveau des animaux, on continue Oui, oui, il y a des vétérinaires éthologues qui s'intéressent. Il y a notamment des vétérinaires d'ailleurs qui ont écrit des livres. Je pense à Claude Beata qui travaille avec qui parle très bien des animaux, qui les filme. Enfin, il y a des choses extraordinaires qu'il met en évidence chez les chiens, chez les chats. Il y a des attachements. Il y a des attachements interespèces d'ailleurs entre les hommes et les animaux. Donc c'est une théorie qui effectivement nous ramène à notre espèce à notre espèce animale. Solange nous écrit, c'est un des premiers messages reçus. En tant qu'assistante sociale, j'ai été formée à la théorie de l'attachement, ce qui m'aide au quotidien pour l'évaluation des situations de protection de l'enfance, mais aussi pour l'exercice des mesures d'aide éducative à domicile. Estelle Vallon. Oui, effectivement. Alors c'est super si cette dame a pu se former à l'attachement. Effectivement, on voit bien maintenant de plus en plus de juristes notamment, de juges. On a rencontré récemment aussi des juges des enfants ou des juges affaires familiales qui sont très intéressés par cet abord-là, qui les aident à prendre des décisions par rapport au mode de garde, par exemple, ou au mode de placement des enfants. Ouais. Et comment on utilise alors justement cette théorie quand on est un juge, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait appel à quoi exactement pour pouvoir trancher dans des cas particuliers? Mais en fait, les juges, ils vont pas utiliser que la théorie d'attachement parce qu'ils ont à leur disposition, énormément d'informations qu'ils vont collecter et qui vont les aider à faire leur boulot de juge, qui n'est absolument pas celui d'un soignant. Mais la théorie de l'attachement peut leur donner des indications supplémentaires dans des situations extrêmement difficiles ou conflictuelles, et aussi leur permettre d'avoir un discours, d'expliquer d'une façon peut-être un peu plus scientifique certaines décisions qu'ils vont prendre, ou en tout cas qu'est-ce qui les amène à mettre le curseur dans telle ou telle direction par rapport aux décisions qu'ils sont amenés à prendre concernant les enfants. Depuis Bowlby, d'autres évidemment se sont inscrits dans cette théorie, et est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont fait évoluer d'ailleurs en apportant leur pierre à l'édifice en l'occurrence? Alors oui, Bowlby s'est entouré d'emblée. Alors c'est un anglo-saxon, les anglo-saxons sont très pragmatiques et ils sont très collaboratifs. Donc il s'est entouré des époux Robertson qui étaient des travailleurs sociaux qui ont fait des films. Il a rencontré Mary Answorth qui a mis au point cette remarquable observation qu'on appelle la situation étrange, qui est une série de courtes séparations d'un enfant entre 12 et 18 mois et de sa maman. Alors à l'époque c'était la maman, excusez-moi. On pédale ses mamans, et maintenant, à l'heure actuelle, on parle de papa et maman. Mais à l'époque de Mary Answorth, c'était maman. Elle l'a réalisé en Ouganda, donc c'est d'emblée une théorie qui est multiculturelle, qui est universelle. Cette séquence de courtes séparations permet d'observer des comportements au moment de la séparation, mais aussi et surtout au moment des retrouvailles. Voilà. Et ça donne un des styles d'attachement. Voilà, elle établit des types différents d'attachement, trois en l'occurrence. Alors on va écouter la voix d'un docteur en psychologie qui s'appelle Blaise Pierre-Imbert. Il est chercheur au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne. Le son qu'on va entendre date de 1992 et il fait justement allusion aux travaux de Mary Answorth. Mary Answorth avait imaginé cette fameuse situation étrange. Évidemment, au moment où elle l'a imaginé, elle était loin de penser que ça aurait un tel succès. Et ça, c'était à la fin des années 60. Elle avait conçu cette idée que certains enfants montraient un attachement sûr, c'est appelé « sécure ». Ce terme a eu énormément de succès par la suite, alors que d'autres bébés montraient un attachement, une forme d'attachement un peu déviante, un peu différente, qu'elle a appelée insécure. L'enfant sécure est l'enfant qui sait bénéficier de la présence de sa mère pour pouvoir se sécuriser et de manière à pouvoir s'ouvrir au monde extérieur. Et ça, une découverte impressionnante et très intéressante de la théorie de l'attachement qui confirmait les idées de Bowlby. C'est que l'attachement, contrairement à ce que certaines critiques de Bowlby ont voulu dire, et notamment, là je parle pas des critiques psychanalystes, je parle des critiques du domaine du tempérament, par exemple, ils disaient, mais l'attachement, ce que vous mesurez avec votre attachement, c'est de la dépendance. Alors Bowlby, et je crois que c'était concrétisé là par Mary Ainsworth, peuvent prétendre, non, ce qu'est l'attachement, c'est peut-être même le contraire de la dépendance. Voilà, Blaise Pierre-Imbert en 1992. Alors effectivement, Estelle Vallon, intéressant de pouvoir vraiment définir ce qu'on entend par attachement. Oui, alors ce qu'on entend par attachement dans la théorie de l'attachement ne correspond pas à l'attachement comme on peut l'utiliser dans le langage courant. Dans le langage courant, on dit qu'un parent est attaché à son... Enfin, on peut dire qu'un parent est attaché à son enfant, que l'enfant est attaché aux parents, qu'il y a des liens entre eux. Dans la théorie de l'attachement, c'est un lien qui est très spécifique. Et donc, c'est uniquement l'enfant qui est attaché à son parent, à sa figure d'attachement. Comme on disait tout à l'heure, le parent est un donneur de soins, est une figure d'attachement. L'enfant, de par son immaturité, peut pas être une figure d'attachement pour le parent, évidemment. Alors ça, c'est au moment de, de l'enfance, lorsque les choses, enfin lorsque la personne grandit, l'adulte, pour l'adulte notamment, les relations d'attachement peuvent se symétriser dans une relation de couple, par exemple. Mmh. Et lorsque la personne est vieillissante, les choses peuvent se modifier aussi, puisque la personne vieillissante peut devenir dépendante. Mmh. Donc la figure de l'attachement va évoluer aussi au fil de la vie. C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Et les questions des auditeurs qui arrivent sur France Inter. Yeah, j'suis positif, yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif, yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Workman les jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh, oh. On garde le smile, pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'mets chapeau de Goliard, yeah. Et juste nous pour faire, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus fort dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by round. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pied en matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mes jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh, oh. J'vois que c'est l'écho pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais un des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alex, on est bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, oh, oh. Positif, c'était Fouki. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Alors, les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. Et c'est absolument désolant à voir. Hein. Vous voyez un enfant tout seul, un enfant absolument privé du nécessaire psychiquement vital. Cet enfant a une maladie, et cette maladie, c'est la maladie de la séparation. C'est ce que dit Spitz en toutes lettres. Chez ces bébés, quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, hein, sans un lien privilégié d'attachement. Voilà, c'est le professeur Antoine Guedenet qu'on vient d'entendre, chef de service pédopsychiatrique à Bichat, et mes invités Christine Genet et Estelle Vallon pour nous parler donc de l'attachement. Alors Estelle Vallon, on peut dire un mot sur ce qu'on vient d'entendre, parce que là on est dans un cas pathologique hein, qui alors, concerne moins l'attachement dont on parle ensemble cet après-midi. Tout hein. À fait. Là, effectivement, c'est des troubles qui sont pathologiques. L'attachement dont on parlait tout à l'heure est un attachement qui n'est pas, enfin qui est normal, qui n'est pas de l'ordre du pathologique. Ouais. Et donc là, effectivement, on est dans ces cas qui ont été très très marquants, Christine Genet. Oui, parce qu'en fait, les enfants ont été mis dans des conditions extrêmes, des conditions inhumaines. Et en fait, les petits d'hommes, ils peuvent pas se développer sans relation humaine. L'être humain est un être social. Et un bébé ne peut pas se développer s'il n'est pas en lien, s'il n'est pas connecté avec un autre être humain qui va s'occuper de lui. C'est pas possible, il peut pas se développer. Ouais, alors c'est ça. Et c'est aussi ce qui est important à comprendre, c'est que cette figure de l'attachement, alors évidemment, normalement, c'est le père et la mère, mais pas toujours, puisque l'un des deux ne peut ne pas être là. Et l'enfant a cette capacité, évidemment, de trouver d'autres figures très facilement. Tout à fait. Donc, dans la vie ordinaire, ben, en général, l'enfant s'attache à ses parents. Alors, il y a une priorité, une figure d'attachement principale. En général, c'est la maman, parce que c'est biologique. Mmh. Ensuite, il y a le papa. Alors, il faut bien expliquer aux parents que number one, number two, en matière d'attachement, ça n'a rien à voir avec l'amour. Les enfants aiment leurs parents, ils aiment leur papa, ils aiment leur maman. Mais en matière d'attachement qui est un lien qui vise à la protection et la survie de l'espèce, il y a number one, number two, parce que quand on était dans la savane, on n'avait pas le temps de réfléchir et il y avait number one, number two. Et il peut y en avoir d'autres, la nounou, des personnes de la famille, mais avec lesquelles l'enfant a des liens réguliers, répétés, et dont la personne s'occupe et va répondre à ses besoins d'attachement. Estelle Vallon, donc c'est vraiment ça, la théorie de l'attachement, c'est la sécurité, la survie de l'espèce, on peut dire vraiment les choses comme ça ? Tout à fait. Alors, maintenant aussi, on fait de plus en plus attention à l'autre partie de l'attachement, qui est l'exploration, c'est-à-dire que il y a une balance permanente entre la nécessité que l'enfant a de se retourner vers une base de sécurité quand il est dans une situation de stress, et la capacité qu'il a à aller explorer le monde lorsqu'il est tranquille. Et donc, l'enfant, ça se voit notamment quand vous regardez les enfants dans les bacs à sable, par exemple. Un enfant joue tranquillement dans les bacs à sable, il est tranquille, il interface avec ses camarades de bac à sable, et puis tout d'un coup, paf, il reçoit un coup de pelle. À ce moment-là, il se retrouve dans une situation où il est extrêmement stressé, il va vers son parent, qui le rassure, et l'enfant peut retourner après. Donc en permanence, on a cette balance entre le parent, qui est donc cette personne qui peut le rassurer et qui lui permet aussi d'explorer le monde. Ouais, là, tout se joue dans cette description qu'Estelle Vallon vient de nous faire, Christine Genet, sur cette capacité justement à rebondir en fonction de la sécurisation de l'enfant par rapport à son lien. À la fois la sécurité de l'attachement, c'est-à-dire en tant que figure d'attachement, je vais répondre aux besoins d'attachement de mon enfant, donc le rassurer quand il a peur, le réconforter quand il est triste, l'apaiser quand il est en colère, le soulager quand il a mal, lui donner à manger quand il a faim, enfin voilà, répondre à ses besoins d'attachement, à la fois de base et émotionnel, être en connexion avec lui, en lien avec lui, et aussi assurer une sécurité de son exploration, c'est-à-dire lui permettre d'aller explorer le monde en tolérant qu'il y ait quelques petits soucis, en n'étant pas trop intrusif. Et voilà, il y a cette balance comme ça. Et donc une sécurité globale à la fois des besoins d'attachement et de l'exploration. Isabelle nous écrit sur l'adoption. J'ai adopté deux enfants il y a plus de 20 ans, nous dit-elle. À l'époque, quand mon fils a commencé à poser de gros problèmes, nous avons fait le tour des psys et aucun ne nous a parlé de cette théorie. Nous avons tâtonné seul et sans accompagnement. C'est une théorie qui devrait être absolument expliquée aux postulants à l'adoption. Estelle Vallon, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, on est bien d'accord, ça se développe de plus en plus, donc on a bon espoir. Christine Genet. Oui, alors évidemment, l'adoption, c'est vraiment presque un paradigme de la séparation et des retrouvailles, qui sont, je vous rappelle, la strange. Et donc, en fait, la rencontre d'un enfant adopté et de ses parents, c'est une deuxième rencontre, très attachement pertinente, dans laquelle, en plus, il va y avoir beaucoup d'amour. Attachement pertinente, ça veut dire quoi dans alors, le c'est-à-dire jargon, que, excusez-moi, c'est-à-dire que c'est une situation qui renvoie directement, c'est presque un exemple, voilà, d'une séparation très importante pour l'enfant et de retrouvailles avec des parents qui ne sont pas les parents biologiques, qui sont des parents qui vont être les nouveaux parents de l'enfant. Alors les différents styles d'attachement, on peut aller très vite là-dessus, mais enfin on peut les décrire quand même rapidement. Estelle Vallon. Alors rapidement. Le sécure, on a voilà, beaucoup dit ce mot-là. Voilà, le sécure, donc c'est un peu l'enfant de tout à l'heure que je décrivais dans le bac à sable. C'est l'enfant quoi, autonome. C'est l'enfant. Alors autonome, de façon adaptée à son âge. Hein, parce que trop d'autonomie, c'est pas de l'autonomie. Donc c'est un enfant qui peut explorer tranquillement le monde, qui peut vivre des choses avec ses camarades de classe, gérer les conflits, exprimer ses émotions de façon tranquille, et puis revenir vers son parent qui va le rassurer en étant disponible et attentif. Donc ça c'est le sécure. L'insécure, donc il y a deux styles d'insécure, l'évitant et l'ambivalent résistant. Donc l'évitant, c'est un enfant qui exprime très peu ses émotions et qui par contre qui peut explorer le monde mais en étant en ayant une réserve pour exprimer ses émotions. Et l'ambivalent résistant, au contraire, exprime de façon très bruyante ses émotions. Et est plus en difficulté, en tout cas, pour explorer le monde, son environnement. Donc, il y a trop d'attachement, on pourrait presque dire, dans ce cas-là? Pour l'ambivalent résistant. Alors, on parle pas de trop d'attachement. On dit pas les choses comme ça. Il est hyperactif. Ouais. Et le désorganisé, ça fait partie des styles d'attachement aussi qui... C'est beaucoup plus compliqué et on peut se retrouver dans des situations plus de pathologie. Effectivement, c'est un enfant qui a un comportement qui est pas prévisible. Ouais. Christine Genet, là, on a le grand cadre, finalement, des différents styles de l'attachement. Oui, tout à fait, oui. Et en sachant que... c'est pas il faut se dégager de la normalité au sens être insécure ou sécure, c'est pas être pathologique ou normal, c'est la traduction de stratégies d'adaptation qu'un enfant met en place pour obtenir ses besoins d'attachement qui sont vitaux et du milieu dans lequel il était et des efforts qu'il a dû faire pour les obtenir. Alors quand on est sécure, c'est relativement facile et c'est fluide et l'enfant se sent digne d'être soutenu quand il en a besoin et il va prendre l'habitude de demander de l'aide tranquillement quand il en a besoin, parce qu'il a eu toutes ses expériences avant. Pour les insécures, c'est un tout petit peu plus contraignant, mais il va y arriver. Et les parents d'enfants insécures sont des parents tout à fait honorables. Voilà. Donc c'est quand même intéressant d'étudier cette fonction d'adaptation des stratégies d'attachement en fonction de contextes particuliers, puis qui peuvent évoluer au fil des ans. Ce qui est aussi intéressant de dire aux auditeurs, c'est que il existe un style d'attachement pour une figure d'attachement. Un enfant peut être sécure avec un de ses parents et insécure avec son autre parent. Allez, on se retrouve dans un instant. Des messages pour vous, et ils sont nombreux sur franceinter.fr. My strength will know no end. Falling Hearts, la voix de Jeanne Haddad. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Nous savons, grâce aux neurosciences affectives et sociales, que l'attachement sécurisé est primordial, mais qu'il ne suffit pas. Le cerveau de l'enfant, pour bien se développer, a absolument besoin d'adultes, certes empathiques, mais qui soient aussi chaleureux, aimants, soutenants et encourageants. Il a aussi besoin d'être compris dans sa particularité d'enfant, c'est-à-dire dans son immaturité émotionnelle. Beaucoup d'adultes veulent par exemple que leur enfant de 2-3 ans se comporte comme un adulte et soit raisonnable. Or, l'enfant, petit, est soumis à de véritables tempêtes émotionnelles dues à l'immaturité de son cerveau. L'enfant a d'immenses colères, d'immenses chagrins, d'immenses paniques. Et ses comportements ne sont pas du tout des caprices, mais dus uniquement à l'immaturité du cortex préfrontal. Ce sont les adultes, en apaisant l'enfant, qui vont faire maturer son cerveau. Voilà, c'est la voix de Catherine Guéguen, qui est pédiatre, et qui a écrit en 2014 « Pour une enfance heureuse » chez Robert Laffont. Et elle nous décrivait donc à l'instant le cerveau de l'enfant et toute sa plasticité, évidemment, autour de ce thème de la théorie de l'attachement qui nous réunit cet après-midi dans la tête au carré avec mes invités Christine Genet et Estelle Vallon. Alors, il y a beaucoup de messages des auditeurs et qui nous parlent aussi de l'adolescent et de l'adulte, parce qu'on ne parle pas que de l'enfant, évidemment. Et d'ailleurs, on pourrait même dire, Christine Genet, que nous héritons ensuite dans la vie de ce qui a été cultivé autour de l'attachement pendant l'enfance. Hein. Oui, tout à fait. Les expériences précoces d'attachement peuvent laisser des traces vont évoluer d'une façon positive ou négative, en fait, en fonction de la vie que va mener l'enfant qui grandit, les rencontres, la possibilité de se réaliser à travers des activités artistiques, voilà ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience. Donc en fait, les premières expériences, elles ont un impact, mais il est pondéré par d'autres facteurs environnementaux, relationnels, qui vont émailler la vie d'un adulte. Donc tout n'est pas prédéterminé, tout n'est pas aussi simple, voilà, c'est pas une trajectoire directe. Estelle Vallon, Vonia nous écrit, mère de deux grands adolescents, on me reproche souvent de trop les coucouner, est-ce que ça pourrait leur créer un problème plus tard? Pour le moment, dit-elle, ils apprécient. Et vous me disiez, Orantel, l'adolescence, c'est compliqué autour de l'attachement. Oui, c'est compliqué, hein. Parce qu'il n'y a pas que le système d'attachement, il y a d'autres systèmes affiliatifs et autres. Donc effectivement, si ces ados apprécient, c'est probablement qu'elle arrive à ajuster les choses à leurs demandes et à leurs besoins. Ouais, mais qu'est-ce qui se joue à l'adolescence alors autour de l'attachement? Parce que là aussi, les figures changent. Hein. Ce sont les premières rencontres amoureuses. Voilà, premières expériences de symétrie justement, d'attachement symétrique. Les histoires de couples plus longues. Il y a aussi la recherche d'autonomie, l'exploration. La recherche aussi d'un groupe de pairs pour s'identifier. Donc effectivement, à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui se rejouent. Christine Genet, donc évidemment, on voit que ces figures de l'attachement changent et c'est normal, hein, évidemment. Oui, et c'est compliqué. Le parcours normal par exemple, de la vie. L'adolescent, c'est vrai qu'il est chiffonné d'emblée parce que il est en recherche d'exploration. Il veut se libérer de ces figures d'attachement qui sont en train de prendre un petit peu de distance. On va toujours les garder en tête, nos figures d'attachement principales, mais elles vont prendre un peu de recul au profit de ces nouvelles formes d'attachement où je deviens à la fois un donneur de soins et un receveur de soins, et je me prépare à la parentalité et à donner des soins à un encore plus petit. Donc voilà, tous ces enjeux se jouent justement à cette époque d'une façon assez, émotive, puisque l'adolescence c'est aussi un phénomène biologique où alors là, tous les systèmes sont en branle de façon tempétueuse. Donc, c'est ce qui était décrit dans l'extrait, justement, la tempête dans le cerveau. Donc il y a un besoin de cocooning, mais il faut savoir bien le cibler, hein, parce que c'est quand le jeune en a besoin, et puis ça ne doit pas durer trop longtemps, puis ça ne doit pas être devant les copains, mais il y a aussi ce besoin extraordinaire d'exploration. Donc voilà, la balance change. Voilà. Le niveau de la balance change. Le fait d'avoir baigné dans le sécure ou l'insécure pendant l'enfance, ça aussi, ça va jouer aussi ensuite sur nos réactions dans notre vie d'adulte. Tout à fait. Alors, dans la vie d'adulte, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on apprend à réguler ses émotions grâce justement, dans ce contexte justement de sécurité ou d'insécurité, de l'attachement. En devenant adulte, on se sert évidemment de de ce qu'on a pu apprendre et vivre quand on est enfant, même si les choses, comme Christine vient de le dire, se modifient avec les nouvelles rencontres qui peuvent être faites et avec les nouvelles expériences. Camille nous dit, comment expliquer qu'un enfant puisse être sécure et un autre insécure au sein d'une même fratrie, alors que les parents ont eu sensiblement la même attitude, Christine Genet? Est-ce qu'on a sensiblement la même attitude avec tous ces enfants? Alors, globalement, il peut y avoir des styles familiaux, des habitudes familiales, etc., dans lesquelles les enfants naissent, mais ne serait-ce qu'à cause de l'âge. Quand vous avez votre enfant à 20 ans et que vous en avez un autre à 21 ans, bah, vous n'êtes plus le même qu'à 20 ans. Donc, les interactions avec votre enfant, elles sont personnelles, elles sont originales, elles sont ciblées entre votre enfant et vous. Mmh. Et donc, dans une même fratrie, on croit qu'on élève nos enfants de la même façon, peut-être globalement, mais non, on élève notre enfant en fonction de sa personnalité, de son tempérament, de qu'est-ce que lui apporte dans la relation et qu'est-ce que nous, on va apporter, si c'est un garçon, si c'est une fille, si j'ai eu des jumeaux, si... Voilà. Et en fonction des expériences déjà qu'on a eues avant, en tant qu'adulte, puis parent. Donc on peut avoir de sécure et de l'insécure, oui, hein, au sein du même foyer. Hein, et c'est pas normal du tout. D'ailleurs, Christine parlait du tempérament et des enfants qui sont plus irritables de tempérament. Mmh. Et évidemment, les réactions des parents seront différentes si l'enfant est plus irritable ou s'il est plus calme. Et à ce moment-là, au fur et à mesure de ces relations qui se, et de ces expériences relationnelles qui se tissent, le style d'attachement peut être différent. Annie nous dit, j'ai entendu dire que les difficultés sur le plan amoureux rencontrées par certains adultes pourraient être dues à une insécurité d'attachement venant de l'enfance et de la relation aux parents. Qu'en pensent vos invités, Christine Genet? Il y a plus de questions sur les adultes que sur les enfants. Les adultes. Et on élève, Boldy disait qu'on a tendance à traiter ses enfants comme on a été traité soi-même enfant. On a tendance aussi à attendre de son partenaire, dans une relation d'attachement, des choses qui sont en résonance avec ce qu'on a vécu petit, puisque, encore une fois, dans la relation d'attachement adulte, il y a une fonction donneur de soins et receveur de soins. Ouais. Et donc, du fait, les attentes vis-à-vis du partenaire, elles sont quand même en partie liées à nos expériences d'enfants. Mais pas que, puisqu'on a toute cette trajectoire qui nous a permis d'évoluer et d'enrichir ce lien d'attachement. Nicolas nous dit... Pardon, Estelle. Non, juste pour vous donner un exemple. Tout à l'heure, on disait que les évitants expriment moins leurs émotions. Si un évitant se retrouve en face d'un ambivalent hésitant qui, au contraire, est très en demande de proximité, de réconfort, ça peut amener à des conflits. Nicolas nous dit, si un adulte de 50 ans se reconnaît plus ou moins dans cette question de l'attachement, est-il toujours possible pour lui de faire un travail réparateur? Alors, mais oui, puisque... C'est tout l'enjeu, hein. Mais oui, alors nous, on est thérapeute, alors on vous dit oui. Et dans la mesure où, d'emblée, le lien d'attachement est un lien qui évolue au fil du temps, déjà avec la maturation et le fait de changer de paradigme au fil des âges, mais aussi des rencontres et de la possibilité d'épanouissement personnel qu'un adulte peut avoir, ce qu'a moins un enfant quand même. Donc vous pouvez vous régaler d'une réussite artistique, de bien réussir à votre travail, de faire une rencontre amoureuse extraordinaire et qui va tout changer pour vous au niveau de vos relations d'attachement. Faire une psychothérapie, ça arrive, qu'on arrive quand même à améliorer, à aider les gens à améliorer leur relation d'attachement. Estelle Vallon, dans ce service enfant-adulte du centre hospitalier justement de plaisir dans les Yvelines, vous avez décliné ça justement en technique thérapeutique, hein, c'est ce que vous faites. Hein. Oui, tout à fait. Oui, donc la consultation qu'on a montée est une consultation qui permet effectivement de prendre en charge les difficultés que des parents peuvent rencontrer dans le lien avec leur enfant. Donc vous déclinez cette théorie de l'attachement et vous obtenez des résultats, j'imagine en tout cas, encourageants et probants. Oui, des fois chouettes, des fois moins chouettes. Enfin, ça, c'est une thérapie, donc elle a ses aléas, ses succès, ses échecs. Mais dans les faits, les familles nous montrent leur satisfaction parce que c'est une thérapie active, engagée, informée. On informe les patients de ce que c'est que la théorie de l'attachement. On leur demande de travailler dessus et c'est une thérapie aussi intégrative. C'est-à-dire qu'on utilise d'autres outils, d'autres thérapies qui viennent enrichir cette forme de prise en charge. Merci en tout cas toutes les deux. Vous signez ce livre chez Duno, Psychothérapie donc de l'attachement, avec une préface de Nicole Guédenet. Et cet autre livre, peut-être plus accessible encore, sorti au Pommier, Ça sert à quoi des parents, que vous avez signé en 2015. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré. Merci.